بسم الله الرحمن الرحيم. دعوة السلفية باليمن. على plaisir de vous présenter. فنبدأ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في هذه الدروس في مناسك الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 5. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل هذه الدروس في شرح مناسك الحج والعمرة على ضوء الكتاب والسنة. ولله الحمد نافيني ما يتعلق بمحظورات الإحرام سبب مهم. والخلاصة أي الرزمي دو tout ce qu'on a vu في محظورات الإحرام، des choses qui annule, ou on va voir, il y a une fidya ou une tawba à faire. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire fil ihram. Comme on a dit ams min hadha al bab, takbiratul ihram fi salah. Celui qui fait takbiratul ihram, fala yajuz laha yatakallam ولا يجوز لها يأكل إلى غير ذلك. فهكذا في الإحرام في العمرة أو في الحج. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه النافع تبصير الناسك، قال وهي تسعة، أي محظورات الإحرام يونا نف. ولله الحمد on les a cités plus ou moins en détail. Et celles qu'on n'a pas citées on lit l'un. قال وهي تسعة أخذ الشعر. Et on avait dit في أخذ الشعر أنه النص il est venu في شعر الرأس، أي les cheveux de la tête. T'as pas le droit de te raser ou de te couper, diminuer les cheveux في حال الإحرام. Et on avait dit أن بعض العلماء ils ont dit que ça englobe tous les poils du corps. وهذا في الحقيقة on a vu hier أنه il n'y a pas un dalil واضح على هذا، il n'y a pas un nos. لكن vu que c'est le كلام de كثير من أهل العلم فمن باب الاحتياط et pour sortir du خلاف on a dit أو بعض العلماء plutôt ils ont conseillé de délaisser et de pas se raser les poils du corps أو couper volontairement pendant l'ihram. قال الثاني تقليم الأظافر. On a vu couper les ongles. Et c'est la même مسألة que se couper les que نعم se raser les poils. Il y a pas de dalil واضح لكن باب الاحتياط ان الانسان في toutes ces choses avant l'ihram. كذلك الطيب le parfum se parfumer. Tout ça on a détaillé أمس. وتغطية الذكر رأسه. Et هذا c'est un mahdhour خاص pour l'homme. Aïe, se couvrir la tête. Et on a vu مسألة الحجاب المرأة أمس. قال ولبسه المخيط. Tout ça on l'a vu. Les habits qui sont façonnés pour un membre cousu ou pas. On avait dit que المحرم لا يجوز له. Et ça كذلك c'est pour l'homme. تغطية الرأس ولبس المخيط c'est pour l'homme. قال وقتل صيد البر. نعم chasser une bête. قال وعقد النكاح. Se marier. Faire un contrat de mariage. هذا on l'a pas cité. وقتل الصيد كذلك on les a pas cités ces deux. قال والجماع والمباشرة. فصف النف. المحرم يبتعد عن هذه الأشياء لله سبحانه وتعالى. pour الله سبحانه وتعالى. فلا يتزوج ولا يصيد صيد البحر ولا يلبس المخيط ولا يغطي رأسه ولا يتطيب ولا يقص أظفاره ولا يأخذ من شعره tout ce qu'il a cité Cheikh, on a cité des adilla ala hadha, on a cité kalam ahl al-ilm, falhamdulillah. Baqiya man waqa'a, avant de continuer notre dars, baqiya man waqa'a fi shay' min hadhihi al-mahdhurat, fa madha alayh? Ça c'est muhim ce chapitre. Léana, t'es en état d'ihram et t'as des ordres à suivre, t'as des devoirs à accomplir, t'as des ibadat à observer, des lieux précis, des heures précises. Il faut respecter ça. Et comme on a cité au départ, dans les premiers doros, comme on a cité, Al-Hajj ou Al-Mu'tamir, avant de se rendre, avant de commencer cette ibadat, يجب عليه أن يتعلم. كم من الناس الآن يسون أن يتعلم إحرام et à cause de leur ignorance ils font des choses qui contredisent هذا الإحرام. Et c'est pas à la عمد, c'est des masakins, ils savent pas, لكن il faut faire des efforts. نتعلم فهذا الإحرام له محظورات, on fait attention. لكن إذا وقع فيها قال الإمام الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قال وإذا فعل المحرم شيئا من المحظورات السابقة من الجماع أو قتل الصيد أو غيرهما نعم تسكن سيتي للنف قال فله ثلاث حالات تتخوك قال الأولى أن يكون ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما هذا إفس محظور لكن با فولونتيرمون إما إلى نيران إما إلى أبلدي إما مكره لا فرصي أو يدغمي فهذا قال شيخ ابن تيمين فهذا لا شيء عليه لا إثم ولا فدية هذا لا إثم عليه أي إلا با فان بيشي في هذا الحال أي لا با فدية أفير contrairement à d'autres cas qu'on verra en résumé قال ولا فساد نسك كذلك صن حج أو صعمرة لصحيحة قال لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذا نص من القرآن أن الله سبحانه وتعالى يبغضن ويبغضن pas en compte celui qui oublie أو qui est ignorant أو qui fait pas cette chose volontairement الخطأ قال لكن et ça c'est un تنبيه مهم من الشيخ لكن متى زال العذر فعلم الجاهل وذكر الناس واستيقظ النائم وزال الإكراه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا تمام ça ça montre l'importance d'accepter le نصيحة لأن أحيانا صحيح tu sais pas ربما t'as pas eu le temps d'apprendre cette مسألة ربما t'as des excuses لكن si on te montre قال الشيخ وجب عليه التخلي tu dois obligatoirement à l'alfour comme قال فورا immédiatement cesser cette chose. مثلا Cheikh Ibn Uthaymeen cite un مثال ذلك أن يغطي المحرم رأسه وهو نائم هذا ça peut arriver. ففي هذا الحال il n'y a aucun تقصير de ta part لأن جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث تقدم معنا هذا الحديث جاء عن علي رضي الله عنه رفع القلم عن ثلاث et parmi ces trois dont le qalam il écrit pas et ils sont pas pris en compte an-na'im hatta yastayqid ou riwayah hatta yafiq هذا الان il est pas pris en compte lakin si on te réveille tu es dans ton hôtel ou tu es à Muzdalifa ou autre ou Arafa tu t'es endormi tu es allongé tu t'es endormi et tu as couvert ta tête هذا ça arrive an-na'im il sait pas ce qu'il fait في هذا الحال si quelqu'un te réveille et il te montre في هذا الحال t'arrêtes de te couvrir la tête à l'alfour, immédiatement. هذا c'est مهم. فقال شيخ العثيمين فإن استمر عليه مع زوال العذر كان آثما. S'il écoute pas la نصيحة et continue à faire ce محظور أي من محظورات الإحرام كان آثما قال وعليه ما يترتب على فعله من الفدية وغيرها. S'il y a une فدية il doit sortir cette فدية أو توبة أو par rapport au fi'l, ça dépend. فهذا ال أو في هذه الحالة الأولى إلى ناسي أو جاهل إلى بابخيان كونت لكن إذا نبه فينتبه ثانيا دوزيام كا أن يفعل المحظور عمدا لكن لعذر يبيح دوزيام كا إلى في فولونتيرمون شو محظور لكن إلى عذر فهي ان ديفيرونس entre le premier cas et le deuxième cas le premier cas il le fait pas volontairement Matalan, il dort. Deuxième cas, là, il le fait. Lakin, les udr. Tadkuruna hadith, ou qissa de Ka'b ibn Ujra, quand, radiyallahu anhu, il a eu des poux dans les cheveux, ça lui faisait du mal, fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a autorisé de se raser. Hada, c'est un mahdour, fil ihram. Et il l'a fait volontairement, lakin, il avait un udr. فقال شيخ العثيمين فعليه ما يترتب عليه على فعل المحذور ولا إثم عليه. Si il y a une fidya à sortir, comme dans le hadith Ka'b ibn Ujra, il a dû sortir une fidya, mais il n'y a pas d'ithm. Enfin, vous avez remarqué ou vous avez saisi la différence entre les deux. Le premier, la ithm ou la fidya ou la shay. Le deuxième, vu que c'est volontaire, lakin la udr, il n'est pas considéré comme pécheur, il n'a pas fait de péché, lakin il y a une fidya. Les qawlillahi ta'ala, il a cité le verset, Cheikh Al-Uthaymin, qala rahimahullah, wa la tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah, faman kana minkum maridhan, c'est ça le shahid, faman kana minkum maridhan, aw bihi adha min ra'sihi, fa fidyatun min siyamin, aw sadaqatin, aw nusuk. Hada, si il a une excuse, مثلاً في هذه الآية لدسانجو قصة كعب بن عجرة. Il avait une excuse. Il se rase la tête. Alors que c'est normalement c'est pas permis pour le muhrim. Là, il lui donne une excuse. Il se rase la tête et il sort une fidya. Imma siyam. Il a une fidya. Il a quelque chose pour combler ce manque. Imma siyam. Imma sadaqa. Imma nusuk. Et nous, ya ikhwan, on détaillera pas tout ça. Ça serait trop long. On va pas détailler ma sa'il al-fidya, etc. Ça serait des doros à part. Ça serait bien dans des doros na'am à part. Amma, si on viendra détailler, ça prendrait trop de temps. Nous, c'est mujarrad ishara. Et, inshallah, les frères, si ça leur arrive, ou ils sont confrontés à un cas, yas'alouna ahl al-ilm. Et, inshallah, il viendra le jour, bi'idnillah, si on peut. أنه ديتايغا هذا أما الآن مجرد إشارة فقط. ثالثاً أن يفعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه. ثالثاً يفعل هذا المحظور مثلا يسغاز لي شوفو لكن لا أوكين إكسكوز. لو دوزيام إلا في إكسكوز دونك إلا تا با كونسيديري كوم أفوار في أن بيشي. هذا إلا با إكسكوز. قال الشيخ ابن عثيمين فعليه ما يترتب على فعله مع الإثم إلا لا فدية. Maintenant, il s'est rasé les cheveux, il fait siyam, ou sadaqa, ou nusuk. Lakin, il est considéré comme péché, il est athim. Fahada, les trois aqsam, fi ceux qui font al-mahdoura. Il y en a, ils sont excusés, il y en a, ils sont excusés, lakin, ils doivent sortir al-fidya. Et il y en a, ils ne sont pas excusés, et ils doivent sortir al-fidya, les trois cas qu'il a cités chez Al-Taymi. وقال شيخ ابن عثيمين تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام لا بس ولهذا سيكور أي pour إن شاء الله avoir un minimum في هذا الباب لأن on est confronté à هذا كثيرا أو tu peux voir des gens qui sont confrontés à هذا أو في الحج te demande فطيب si on a un minimum de base في هذا الباب إن شاء الله ça nous aidera والباقي المطالعة والسؤال تعلمون أننا dans les دروس on peut pas tout dire. On ne peut pas tout étudier, on ne peut pas tout détailler. Il faut qu'il y ait un effort personnel. Non. Il faut qu'il y ait un effort personnel, il faut qu'il y ait des recherches personnelles. Et Inch'Allah, le dars, plus tes efforts, tahsoul ala khayr. Qal Cheikh Ibn Uthaymeen, tanqassim mahzourat al-ihram. Tanqassim mahzourat al-ihram bi'i'tibar al-fidya ila arba'ati aqsam. Donc, quatre catégories. أولاً, ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. Il y a des choses, من محظورات الإحرام, il n'y a aucune فدية. Ni صيام, ni une bête à égorger, ni une صدقة pour les pauvres. Cheikh Ibn Uthaymeen a cité عقد النكاح. ففي هذا الحال, عقد النكاح, il délaisse et il n'a aucune chose pour rattraper. نعم. Il fait tawba et il délaisse à des chiens. قال l'imam al-Nawawi رحمه الله تعالى إذا تزوج المحرم فنكاحه باطل عندنا وعند الجمهور. Son nikah il est باطل. S'il se marie, il fait un acte de mariage هناك et il est en état d'ihram. Son nikah il est باطل et il délaisse cette chose. S'il ne savait pas. Il délaisse. S'il savait, Fayatoub, yastaghfirullah wa yatoub, wala shay alayh. Il n'y a pas de fidya, il n'y a pas de siya. Deuxième, qala thaniyan, donc premier cas, il n'y a pas de fidya. Troisième, premier cas, il n'y a pas de fidya. Ma la fidyata fi. On a cité aqd nikah. Deuxième, qala ma fidyatuhu badana. Il y a une fidya, badana. Aïe, il doit égorger un ibl et le partager aux pauvres. قَالَ وَهُوَ الْجِمَاعِ فِي الْحَجِ قَبْلَ التَّحَلُّلُ الْأَوَّلِ. Et ça, Inch'Allah, si on peut, on détaillera قَلِيلًا فِي الْحَجِ. Et dans certains cas, الْجِمَاعِ, il y a un khilaf et un ahl al-ilm, mais dans certains cas, ça annule son hajj. Et ça annule sa umrah. قَالَ ثَالِثًا, troisième cas, مَا فِدْيَتُهُ جَزَاؤُهُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ وَهُوَ قَتْلُ الصَّيْدِ. Eh naam. Dans certains cas, comme il va expliquer, on va lire la parole de Cheikh Saadi rahmatullah alayh, il faut kamaqal huna naam ma yaqum maqamahu aw jazaohu aw ma yaqum maqamahu. Ad-dalil ala hadha qawlullah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatal min an-na'am. قال الشيخ سعدي رحمه الله عليه في التفسير قال أي الإبل أو البقر أو الغنم فينظر ما يشبه شيئا من ذلك. Tu trouves في فتاوى الصحابة فتاوى أهل العلم des exemples. مثلا il a tué telle bête, أي il a chassé telle bête en étant muhrim, pour se rattraper il égorge مثلا un mouton et il le partage aux pauvres. Ah, ou si c'est une grosse bête, ils lui conseilleront une vache ou un chameau, etc. قال فيجب عليه مثله يذبحه ويذبحه ويتصدق به. Ça, c'est pour celui qui chasse, il tue une bête et il est muhrim. Il précise Sayyid al-Barr. Sayyid al-Barr. Ah, la chasse, pas la mer, pas la pêche, la chasse. قال رابعا ما فديته صيام أو صدقة أو نسك. نعم. Fidya, et il a fait un mahdour, mais le mahdour est l'ihram, et il doit rattraper en faisant as-siyam, ou sadaqa, ou nusuk. Cheikh Ibn Taymiyyah l'a démontré, wa huwa halq al-ra's, ou wa alhaqa bihi al-ulama baqiyat al-mahdourat, siwa al-thalatha al-sabiqa. Toutes les mahdourat qu'on a citées, le parfum, etc., sauf les trois qu'on vient de dire. La chasse, al-jima' wa aqd al-nikah. Et naam. Enfin, tout le reste qu'on a cité, que ça soit il a mis un vêtement façonné pour un membre, ou il s'est coupé les cheveux, ou rasé, ou il a mis du parfum, etc. Fahada, il doit sortir cette fidya. Imma suyam, imma sadaqa, imma nusuk, et ça, c'est détaillé fi kutub al-fiqh akthar. Amma suyam, naam. Amma al-sadaqa, c'est, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, it'amu sittatu masakin. Il doit nourrir six pauvres. Il a le choix. Imma nourrir six pauvres. إما صيام ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة. Il jeûne trois jours. إما de suite, إما séparé. لا بأس. قال أو ذبح شاء. C'est ça le nusuk. أي أو il égorge شاء, un mouton, une brebis, et il distribue aux pauvres. فإي choisit في هذه الثلاث. Celui qui a un taqsir فالإحرام. هذا الباب المهم. فالحقيقة il mérite d'être plus détaillé. لكن الوقت والله المستعان إن شاء الله ما ذكرنا فيه إشارة طيبة لكن approfondissez le sujet si vous pouvez. ثم بعد ذلك يستحب للمعتمر, أي après الآن il a mis sa tenue et on avait expliqué il peut la mettre au miqat, c'est afdal, il peut la mettre avant. كذلك il a fait le ghusl. Kadhalik, s'il a besoin, il s'est taillé les ongles, il s'est rasé, etc. Et nous nabbih huna, le rasage de la barbe, c'est haram. Ou se la tailler, ou la couper, ou la diminuer, tout ça c'est haram, comme on l'a expliqué dans une kalima. Et Cheikh Abdelaziz bin Baz, vu l'importance du sujet, rahmatullah alayhi, il a cité cette mas'ala dans sa risala de l'hajj wal umra. Quand il a expliqué qu'un al-muhrim, il peut se s'épiler les aisselles, etc. avant de rentrer en ihram, et il a démontré un al-akhd min al-lihya, fa fadlan min halqiha, c'est haram. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit d'alik. Et on a détaillé hada dans une kalima. Fa al-muhrim, après s'être préparé, al-an il est fil miqat, qala wa yustahab lil mu'tamir an yuhil bil umrah. قال ويحرم عقب الصلاة فإذا وافق وقت صلاة فريضة أو نفيلة كالضحى أو ركعتي الوضوء أحرم بعد ذلك وليس للإحرام صلاة تخصه. نعم. أولا سي ريكوموندي أو معتمر الآن إلى ميقات أن يهل بالعمرة كما هو بوا يدي لبيك اللهم بعمرة. كذلك avant de détailler هذا الإهلال et puis التلبية إلى سيد المسألة ce ihram, on avait détaillé cette couronne, un ihram, c'est pas le fait de mettre les vêtements et de faire le ghusl, etc., de se parfumer, c'est pas ça l'ihram. L'ihram, c'est niyya, avoir une intention de commencer un nusuk. C'est ça l'ihram. Et il y a une talbiya à prononcer. Il y a une talbiya, labbayk Allahumma labbayk, etc. Et avant ça, yuhil, il dit labbayk Allahumma bi umra, c'est ça l'ihram. Ce ihram, cette niya avec ces paroles que tu vas prononcer, avdal, tu le fais après une salat. ويحرم عقب الصلاة فإذا وافق وقت صلاة فريضة أو نافلة كالضحى وركعتي الوضوء أحرم بعد ذلك وليس للإحرام صلاة تخصه. Et ça c'est مهم. الإحرام il n'a pas une صلاة spécifique. Tu ne fais pas deux ركعة et après tu fais l'إحرام. أي deux ركعة ou qu'il n'y a aucun سبب. لا. إما si c'est bientôt صلاة الظهر t'attends صلاة الظهر أو العصر مثلا. T'attends, maintenant tu arrives au miqat, il reste 5 minutes pour dhuhr et tu es prêt. Attends, fais dhuhr avec le jama'a hunak, thumma tu rentres en ihram. Tamam. Ou tu fais une salat nafila, qu'un sabab. Maintenant tu viens de faire al-wudu, tu fais les deux rak'at, rak'atay al-wudu, et après tu te mets en état d'ihram. Ou dhuha, maintenant tu es dans la matinée, tu es arrivé. Ta'lamouna anna salat dhuha, c'est la matinée. Maintenant, tu es à 10h du matin. Tu fais salat al-duha, et fiha fadl azim, deux rak'at, et après tu rentres en ihram. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, wa dhahaba Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, ila anna rak'atay al-ihram la asla li mashru'iyyatiha. Eh n'am, il n'y a pas de délit. Lianna ba'duhum, ils ont, ou ils pensent, que al-ihram il a deux rak'at spécifiques. فمثلاً lui il y a aucun سبب qu'il fasse une salat. Il fait deux salats que pour deux rak'at que pour l'ihram. وهذا كما قال شيخ الإسلام لا أصل لمشروعيتها. Il y a aucun أصل. قال وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه. لكن donc on est d'accord là أن il y a pas de salat خاصة pour l'ihram. لكن إذا كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدها إلى آخره سكون السيتي. أما صلاة مستحبة قال شيخ ابن عثيمين بعينها للإحرام فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح. دونك لافي دو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ ابن عثيمين إلا سويفي في هذا سي الصحيح. لماذا؟ لأن يا أوكان دليل. تعلمون أن نطخ الدين il est fondé sur l'adilla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cette ibada la'bud min dalil. Qala azza wa jalla ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Fa la'bud min al-ittiba'. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa rad. Fa hadhihi al-ana rak'atan. Soit on a un délit, on les fait. Si on n'a pas de délit, fal aslo, c'est qu'on ne les fait pas. Fal yada qala Cheikh l'Islam, qala la asla li mashru'iyyatiha. Ay c'est deux rak'a. Hakada. Hakada le muslim, hakada le sunni, il suit le sunna. Amma l'aqwal, tu vas trouver, robbama. Fi masayil al-hajj ou fi ghayriha, tu vas trouver des aqwal qui démontrent que tu peux faire telle chose, tu c'est mustahab de faire ces choses. Lakin, fi tahqiq, والتدقيق تتخوف أنه لا دليل فتغمي هذه غيقل أنت تغمي أكلام أهل العلم أنهم يتدز يبقى الدليل فتسوي القول الصحيح. هذا مهم إساء أدب طيب عند الاختلاف. نعم. ثم قال ونرجع إلى مسألة الإهلال والتلبية etc. قال ويستحب للمعتمر أن يحرم بعد ركوبه على راحلته مستقبلا بها القبلة وبعد أن يقول الحمد لله وسبحان الله والله أكبر كما جاء في البخاري عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه سنة الحقيقة لدرسي كثيرا كما سيأتي معنا كلام الحافظ أن يستحب bien sûr si c'est possible de se mettre en état d'ihram t'as fait maintenant 2 rak'at ou 4 c'est l'afdal lakin on a dit si la salat elle a une cause maintenant al-duhur ou l'asr ou salat al-duha ou tu fais 2 rak'at après l'oudou etc. As-sunna c'est que tu montes sur ta monture voiture, le car, etc. Talamoun à l'époque il faisait avec des chameaux, avec des chevaux, etc. Enfin, sur sa monture, mustaqbilan biha al-qibla, en direction de al-qibla, si c'est possible, bien sûr. Et yaqul, avant de dire labbayk Allahumma bi'umra, yaqul alhamdulillah. Wa subhanallah wa Allahu akbar. Tout ça, c'est rapporté à Ibn Umar wa Anas, fait sahih. Qala Sheikh Abdul Muhsin, hafidahullah. Qala, والأولى أن يكون إحرامه عند استوائه على مركوبه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا سيتي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي أهل أي إلى دي لبيك اللهم بعمرة أو بحجة أي إلى rentré en état d'ihram قال حين استوت به راحلته قائمة رواه البخاري ومسلم. As-sahaba radiyallahu anhum, c'était ahras al-nas. C'était les gens qui étaient le plus motivés pour suivre le Nabi alayhi salatu wasalam. Wa nahnu al-muslimoun, on doit faire des efforts via hada. On laisse pas shaitan rentrer, on dit c'est pas grave, c'est qu'une sunnah, ou c'est pas obligatoire. Là, ya akhi, profites-en. Ça c'est fursat al-hayat. Fursat al-hayat, c'est des hasanats très simples. Et rubbama avec ton amour de ces sunnahs, qui sont pas obligatoires, Allah subhanahu wa ta'ala est wafak. Léanna la tansa wa anna shaytan il égare katir min annas, annahu au départ c'est pas grave, c'est qu'une sunnah, c'est pas obligatoire. Tumma, il délaisse une obligation, il dit c'est pas grave, ça me fait pas sortir de l'islam. Tumma il s'égare. Yen harif, son cœur il tombe malade. Wa ba'd annas l'an rubbama il fait un interdit, il sait que c'est un interdit. Lakin il dit c'est pas du shirk, c'est pas du kufr. Na'audu billah. On fait des efforts. On dhuru sahaba, cette chose. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montait sur sa monture, en direction de Qibla, Tumma, Kana Yuhil, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont rapporté, et ils l'ont suivi, fihada. Tant qu'on peut, bien sûr, avec la capacité. Qala Sheikh Abdul Muhsin, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa fi sahih al-Bukhari, bab at-tahmid wa at-tasbih wa at-takbir qabla al-ihlal, عند الركوب على الدابة. الإمام البخاري رحمه الله عليه il a cité ce chapitre في الصحيح. ثم il a cité le حديث de ابن عمر أو de أنس. قال وساق حديث أنس. نعم il a cité حديث أنس المشتمل على ذلك. قال الحافظ في شرحه. الحافظ quand vous entendez الحافظ خاصة après un حديث de صحيح البخاري اعلموا أنه سي الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه صاحب فتح الباري. قال وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه وما ذكر معه قبل الإهلال قلما تعرض لذكره من تعرض لذكره مع ثبوته. الحافظ lui-même il a remarqué رحمه الله عليه أن كثير من الناس يسيت با هذا ست سنة alors que le hadith il est صحيح et cette sunna est واضحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على تطبيق السنن. بعد ذلك donc après être monté sur sa monture en direction de Qibla si possible et dire ces كلمات الحمد لله وسبحان الله والله أكبر بعد ذلك يحرم المعتمر مهلا بالعمرة قائلا لبيك اللهم بعمرة. À partir de ce moment الآن لبيك اللهم بعمرة il est en état d'ihram الآن. الآن il y a des choses il n'a plus le droit de faire. الآن il a une niya وهنا الواجب والعناية بالإخلاص أنه tout ce qu'il fait الآن c'est لله c'est une عبادة عظيمة. الآن il a l'intention d'arriver à Mecca ثم de faire طواف ثم de faire tout ce qu'on va citer إن شاء الله في العمرة. فيقول لبيك اللهم بعمرة ولا يقول قبل ذلك نويت الاعتمار أو نحو ذلك فإن النية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها فإن ذلك من المحدثات. Ça c'est muhim. Donc, al-muhrim, il dit labbayk Allahumma bi'umra. Bien sûr, nous, on a pris l'exemple de al-umra, لأن pour nous la chacun al-afdal c'est at-tamattu' comme on a expliqué, et en général الآن les gens qui font le hajj ils commencent par une umrah, ce qu'on a expliqué au début des cours, hajj at-tamattu' هذا حج التمتع. فلهذا نحن ندي لبيك اللهم بعمرة. أما سلوك في العمرة الحج فيدي لبيك اللهم بعمرة وحجة. قال ولا يقول قبل ذلك نويت الاعتمار. هذا من البدع والمحدثات. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه اتفق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها. اتفق الأئمة ينقل شيخ الإسلام أنه لا يجوز الجهر بالنية. فقال الله بخنصي النية. T'as pas le droit. On répète, c'est du din. Tu dois suivre le Nabi alayhi salatu wassalam. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a montré, on le fait. Ce qu'il nous a pas montré, on le fait pas. C'est min al-din. لأن هذا الدين il est كامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عز وجل. Enfin, ce dîn, il est complet. Mais ben, donc, si Wahad il rajoute, un deuxième il enlève, un troisième il rajoute une troisième chose. Et c'est ce qu'on voit là, en haqiqa. Surtout, quand on va au Hajj, il y a beaucoup d'ignorance. Tu vois, Wahad il prononce une chose, un deuxième il prononce autrement, un autre. Et des sunan, le hadith il est wadih, fi sahih al-Bukhari, comme on vient de voir, rubbama nadir celui que tu le t'entends qui prononce ces kalimats. Alors que c'est des kalimats simples, fiha ajrun azim. Amma al-bid'a. Voilà où la personne il est sincère, voilà où il est motivé, voilà où il fait beaucoup d'efforts, al-bid'a, il n'y a aucune récompense. S'il est ignorant, ya Rab, il est excusé. Amma, s'il fait volontairement, il a été conseillé, fa il est athim. Al-bid'a, c'est une ma'asiyah. Fa la yusra at-talaffud biha. On ne dit pas nawaitu al-i'timar. Vous avez déjà entendu hadha rubbama fi salat. Wahid. Il veut commencer le salat, il dit Nawaitu au sa'usalli al-dhuhr. Ba'dhum, il rajoute 4 rak'at, ba'dhum, il détaille. Hada la yajouz. Al-Nabi sallam, il l'a jamais fait. Allah subhanahu wa ta'ala y'alam. Il sait ce que tu vas faire, il te voit, il t'entend. Fa min ayn hada al-an. Le fait de prononcer an-niyya. Non, ce que tu prononces, c'est hada al-ihlal. Labbayka Allahumma bi'umra. Amma l'intention de faire l'umra, tu l'as depuis quand? Depuis que tu es sorti de chez toi, bien avant le miqat, tu as l'intention de faire l'umrah. Tu as payé ce billet d'avion. Tu as fait des efforts avant. Tu as voyagé. Tu t'es déplacé. Tu es arrivé au miqat. Tout ça, c'est pour l'umrah. Il n'y a aucune haja de le prononcer. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on l'aurait prononcé. Il y en a sur l'ibad. Mais il n'y a aucun dalil. Et hatta aqlan, il n'y a aucune faïda. L'an, tu es sorti il y a quelques jours. L'imada, tu le prononces l'an. Ou alamu anna. Celui qui khalif l'adillah, il khalifha aussi les choses waqi', des choses évidentes, il tombera dans des choses, il se contredira. فَلَا يَجُوزَ الْجَهْرَ بِالنِّيَّةِ Que ça soit هنا, ou في الصلاة, ou في الصيام, ou في جميع العبادات. قال الشيخ الألباني بعد ذلك, رحمة الله عليه, قال فَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامِ أي المعتمر. فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة. C'est ce qu'on a fait le tanbih عليه. قال وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل. نعم. Et c'est الأكثر الآن. La plupart des gens ils font ce hajj. Ils commencent par une umrah, ثم الإحلال, ثم ils rentrent en ihram le 8e jour de l'hijjah et ils commencent le hajj comme on va expliquer. قال وحدها ولابد فقال لبيك اللهم بعمرة. Enfin, il prononce, tu prononces Akhil Karim, Akhil Mu'tamir, tu prononces هذا لبيك اللهم بعمرة. قال الشيخ الألباني وإن أحب قرن مع تلبيته الاشتراط على ربه تعالى خوفا من العارض. كذلك ça c'est مهم. لأن ça arrive Akhil Karim, maintenant tu peux tomber malade, ونسأل الله سبحانه وتعالى العافية للجميع. Tu peux tomber malade مثلا sur la route ou avant tawaf, ou après tawaf, enfin, tu ne peux pas finir ton hajj ou ta umrah. Enfin, في هذا الحال, il y a une sunna, ça s'appelle l'ishtirat. Et tu cites comme une condition, khawfan min al-arid, que ce soit une maladie, ou, مثلاً, certains pays, il a l'intention, il arrive, مثلاً, il se met en état d'ihram, et rubbama khawf. Il arrive quelque chose sur la route, ils font demi-tour, ils ne peuvent pas arriver. Alors qu'ils sont en état d'ihram, normalement, ils finissent. Enfin, في هذا الحال, avec cette ishtirat et cette condition qu'ils vont mettre, fa inshaAllah ils arrêtent et ils referont le hajj une autre année ou l'umra. قالوا من من مرض او خوف فيقول كما جاء في تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم محلي حيث حبستني. Une phrase très simple, tu l'as dit après labbayk allahumma bi umra, et après tu rajoutes allahumma mahalli haythu habastani. قال الشيخ الألباني فإنه إن فعل ذلك فحبس أو مرض جاز له التحلل من حجه أو عمرته وليس عليه دم. نعم, il a pas de bête à sacrifier, il a rien à faire هو لأنه اشترط. قال وحج من قابل إلا إذا كان حجه الإسلام فلا بد من قضائها. نعم, si c'est pas un حج obligatoire, c'est pas une عمرة obligatoire, il fait demi-tour. Et là, Cheikh Ali, si c'est le hajj obligatoire, et cette année, Qadr Allah, il a eu un empêchement, après s'être mis en état d'ihram, et nous n'avons pas les empêchements, c'est un empêchement, un udr shari, une maladie, ou le khawf, il ne peut plus continuer la route, il y a un arad, des simples wasawis, ou des choses futiles, là, il n'a pas le droit d'arrêter, il doit continuer. Mais nous, on parle à l'a'dhar, al-mu'tabara shara'an. Fait à l'a'dhar, si c'est Hajjatul Islam, bah, Inch'Allah, il arrête. Et l'année prochaine, s'il a la capacité, bien sûr, quand il a la capacité, que ce soit l'année suivante ou après, il doit faire le plus rapidement possible. قال وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام فهذا أو هذا نعم. لا قرأنا هذا تقدم. هذا كلام شيخ الألباني رحمة الله عليه. سيلبغ رسالة في مناسك الحج. هي مفيدة جدا. ثم يستمر المعتمر بالتلبية وهي donc t'es monté sur ta monture, si t'as une monture, une voiture, etc. ou si t'as pas, tu te mets en direction de Qibla et tu dis labbayk allahumma bi umra. Si t'es sur ta monture, tu rajoutes subhanallah alhamdulillah allahu akbar. Tamam. ثم rajouter l'ishtirat que Cheikh Al-Albani l'a cité. طيب, tu dis Allahumma mahilli haythu habastani. Thumma, t'es en état d'ihram. À partir de ce moment, tukthir min at-talbiya. Qal wa hiya labbayk Allahumma labbayk. Labbayk la sharika lak labbayk. Innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la sharika lak. Kalimat at-tawhid. Hadi at-talbiya, c'est at-tawhid. Labbayk la sharika lak labbayk. أي لا يجوز ولا تشرك أبدا أخي الكريم بالله عز وجل أحدا من مخلوقاته. ففي الحقيقة ست تلبية سي التوحيد, سي لا من معناك لا إله إلا الله لا شريك لك, أي في العبادة, فالله سبحانه وتعالى سي المستحق للعبادة وعبد الله, ولا تشرك به شيئا. فالحج سي أن رابل بور توا, c'est un rappel azim et c'est un dars azim fi at-tawhid. Et toute notre vie, elle doit être fondée sur le tawhid. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فَتَيَا عَبْد, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a créé que pour ça. فَلَا تَغْتَرْ لَا تَغْتَرْ بِالدُّنْيَا وبزخارف الدنيا ولا تغتر بالكفار et tous les bienfaits qu'ils ont et يتمتعون لا تغتر. T'as été créé que pour ça. Et le hajj, في الحقيقة, c'est un rappel عظيم. Cette talbiya, elle te rappelle le tawhid. Ta tenue de ihram, elle te rappelle que هذه الدنيا زائلة. Vous êtes tous habillés pareil, un simple izar sur le corps. الموقف عرفة كذلك, ça te rappelle موقف يوم القيامة. Un jour, on sera tous rassemblés à un mawqif, on aura des comptes à rendre. Al-Hajj, c'est un mawqif azim. Falihada, celui qui le fait bi-ikhlas, bi-ilm, et Allah subhanahu wa ta'ala le wuffaq, il revient du Hajj, c'est plus la même personne. Hajj, c'est une ibada azim. Falihada, al-hirs, al-hirs. Qala, wa yarfa' biha sawta. Et n'am, pour l'homme. L'homme, il élève la voix. Labbayk, Allahumma labbayk. À partir du moment l'an, au miqat, tu t'es en état d'ihram, et on verra jusqu'à ce qu'il commence tawaf l'umrah. Ça ne veut pas dire que tu l'as dit sans cesse. Là, l'yanna min al-Madina. أو من ميقات ذي الحليفة جسكا مسجد الحرام هي ربما 400 كيلومتر أو 350 ربما سي toute la nuit de route ربما سي une journée لكن الاجتهاد tu l'as dit et dès que t'es fatigué tu te reposes وهكذا قال ويرفع بها صوته والمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية ويستمر في تلبيته حتى يشرع في الطواف Et non. Hatta il commence tawaf de l'umra qu'on expliquera bi-idnillah à partir de demain. Qala wa la tushra' at-talbiya al-jama'iyya bi sawtin wahid. Amma ad-dalil annahu il arrête de dire at-talbiya quand il commence le tawaf. Hadith Ibn Abbas ou athar Ibn Abbas radiyallahu anhuma في السنن البيهقي إلا سيتي الشيخ عبد المحسن dans sa رسالة قال ولا تشرع التلبية الجماعية بصوت واحد سا كذلك من المحدثات ومن البدع اعلم أخي الكريم أن tous ces أذكارك تبوا أو قراءة القرآن qui font en groupe avec une seule voix une même voix اعلم tout ça c'est من المحدثات ومن البدع et celui qui a un دليل il montre le دليل c'est une عبادة مشروعة أما tout ce qu'on voit الآن dans les masajid, fil hajj, etc., annahum yajtami'un. Et en fait, il y a un varar kabir. Rubbama, tu es fatigué, tu veux te reposer. Et khassatan dans le bus, ils élèvent tous la voix, saut wahid. Rubbama, il n'y a plus de concentration. Il y en a, tu suis, ça devient automatique. Rubbama, arriya. Wahid, il veut se montrer. Wahakada. As-sunna fiha baraka. As-sunna fiha al-baraka. Al-iqtisad fi sunna khayr. أما الاجتهاد في البدعة يا أكن خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور celui qui n'a pas contre le bid'a c'est un nabi صلى الله عليه وسلم أفضل البشر عليه الصلاة والسلام c'est pas nous فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحدثات الأمور faites attention aux inventions في الدين فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنحن celui qui nous dit là c'est permis أو لا شيء On lui dit, ça serait bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mon sahaba, il l'aurait fait. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a démontré que celui qui fait une chose qu'il n'a pas faite, c'est un mal. Al-An, imma, tu nous montres que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait avec son sahaba, imma, c'est un mal. Et ne tentez pas à faire le mal, akhil karim. Khassatan fil hajj. Khassatan, lianna, celui qui fait le hajj, lillah azza wa jal, wa lam yarfut, wa lam yafsuq, etc. Raja'a kayyoma waladathu ummu, comme fil hadith qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Hada, tout ça, c'est min al-bida. التلبية الجماعية بصوت واحد من البدع. كذلك نرى الناس كيف يفعلون كثير من الناس أنهم يلزّد أفكار في صن طواف في جروب. كل هذا من البدع والمحدثات. قال فإذا وصل المعتمر بقي وقت. نعم بقي قليل. قال فإذا وصل المعتمر إلى مكة استحب له أن يبدأ بالعمرة ويبادر بها. الآن تفعل غوت. Et As-Sunna, c'est que Tukthir min al-Talbiya. Et كذلك, à partir de ce moment, tu es en état d'Ihram. Fal-Hadar min al-Kalam. Fal-Hakika, c'est tout le temps, هذا. On doit s'écarter des insultes, du mensonge. Al-Jidal, il n'y a aucune faïda. Al-Qil wal-Qal, ça c'est toujours. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, nahana an al-Qil wal-Qal. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, ils nous ont interdit de mentir, etc. Lakin, fi hadha al-Waqt, c'est encore plus. As-tu fait la route? Tu vas arriver à Mecca. Que ce soit ceux qui viennent de la Médine, ou ceux qui viennent du Yémen, ou ceux qui viennent min jihat l'Irak, etc. Tu arriveras bi-idhnillah à Mecca. Fa'idha wassala al-mu'tamir ila Mecca, stuhibba lahu an yabda bil-umra wa yubadiru biha. Min as-sunna, c'est que tu commences directement par l'umra. Ça ne veut pas dire que tu ne passes pas par ton hôtel, etc. Là, il y a juste de passer ton hôtel, il y a juste que tu te reposes. Lakin l'afdal, c'est que tu fasses très vite. Tu ne laisses pas une longue durée. Famine à Tayyib, c'est que tu vas dans ton hôtel, tu poses tes affaires, si tu as des affaires, tu manges, tu bois, si tu as faim, tu as soif, Thomas, tu commences l'Umra. Probablement, ça va te prendre une demi-heure, une heure, ces choses-là, et tu commences l'Umra. Qala fayatawajjah ila al-masjid al-haram. Il prend la direction du masjid al-haram. Qala muttajihan nahwa al-ka'ba. Et ta'lamoun min as-sunan annahu il rentre du pied droit et il dit. أذكار دخول المسجد قال نحو الكعبة حرسها الله حتى يأتي الحجر الأسود donc il se dirige en direction de la Kaaba Dès que tu vas rentrer au Masjid al-Haram, tout ça, wallillah al-hamd, c'est indiqué, il y a des panneaux, tu demandes, alhamdulillah, c'est en groupe, il y a des gens qui seront, tu te diriges en direction de Al-Kaaba. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah alayh, qala zahiruhu annahu la yusalli tahiyyat al-masjid wa huwa kadhalik. Eh na'am, li'anna tuli adilla annahum y rentraient pour faire l'umrah, ils faisaient directement at-tawaf. Fa al-zahir anna fi hadha al-hal tu fais pas tahiyyat al-masjid. At-tawaf y remplace tahiyyat al-masjid. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, fa inna man dakhala al-masjid lit-tawaf aghnahu at-tawaf an tahiyyat al-masjid. Donc, à tawaf, ça te suffit, tu ne fais pas tahiyyat al-masjid, aïe les deux rak'at, quand tu rentres dans un masjid avant de s'asseoir. Qal wa man dakhalahu lis-salat aw lidhikr aw al-qira'ah wa ma ashbaha dhalik fa innahu yusalli rak'atayn kama law dakhala ay masjidin akhar. N'am. Amma si tu as fini ta umrah et tu rentres le jour d'après ou le même jour ou n'importe quand tu rentres dans le masjid al-haram, fa le masjid al-haram il a le même ahkam que les autres masajid. Si tu rentres, tu fais deux rak'at. تنبيه هنا اولا سكلام انه يبقى تحيه المسجد كذلك شيخ عبد المحسن الى سيتي ستنبيه dans sa risala كذلك ننبه انه si tu rentres il y a salat al-jama'a tu fais salat al-jama'a ان celui qui rentre et c'est l'heure de salat al-isha ou le maghrib et في مسجد الحرام يفون الصلاه ففي هذا الحال tu continues pas ton tawaf ta umra la tu fais salat مع الجماعه ثم tu continues. هذا c'est مهم مساله ايون فيني avec هذا رفع الايدي والدعاء عند رؤيه الكعبه يا حديث في هذا ان si tu rentres في المسجد الحرام dès que tu vois la kaaba tu lèves tes mains et tu fais الدعاء يا حديث في هذا c'est قول كثير من اهل العلم لكن شيخ العثيمين رحمة الله عليه قال قوله أي صاحب زاد المستقنع فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد أي إذا رأى الكعبة أي أن دعاء أدير تلف الإمام قال فإذا رأى الكعبة رفع يديه يدعو وعلى هذا فيقف ويرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي الدعاء أحاديث فيها نظر وأكثرها ضعيف. نعم الحقيقة la plupart ou beaucoup de ces hadiths ضعيفه انك dès que tu rentres et que tu vois le masjid al-haram tu lèves les mains et tu fais le dua هذا c'est ضعيف. قال الشيخ محمد بن حزام في فتح العلام وفقه الله قال وقد اخرج البيهقي حديثا مرفوعا من حديث ابن عباس وفيه ترفع الايدي في الصلاه واذا راى البيت اي si tu vois le bayt tu lèves tes mains et tu récites le dua. قال الحديث وأشار إلى أنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا وفي كلا الإسنادين ضعف فيهما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين. الاضطراب c'est il est pas sûr. Il a rapporté ce hadith une fois مرفوع أي la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, une autre fois il a rapporté موقوف أي c'est ابن عباس qui a dit. Ça s'appelle l'اضطراب et c'est من أنواع الضعف, c'est un ضعف في الحديث. Donc ce hadith il est ضعيف. قال والمرفوع عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما له اسناد اخر عن عن عند ابن ابي شيبه اي في المصنف وفيه عطاء بن السائب اي نعم les deux premiers عبد الرحمن بن ابي ليلى او محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى الى ضعيف. ان اوت حديث عن ابن عباس كذلك فيه عطاء بن السائب وهو مختلط. قال فالاثر لا يثبت مرفوعا ولا موقوفا والله اعلم. الشيخ ابن عثيمين مال إلى هذا أنه يبقى أحاديث صحيحة في هذا الباب. فالصواب قال الشيخ محمد والصواب هو قول لمن مالك ومال إليه الشيخ ابن عثيمين. لمن مالك إلى شواز القول أنه يبقى دعاء et tu lèves pas tes mains quand tu vois le Kaaba. Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi dans sa risala قال فإذا رأى الكعبة رفع يديه إن شاء لثبوته عن ابن عباس ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعاء خاص فيدعو بما تيسر له بما تيسر له. نعم شيخ الألباني لا تفصيل أنه رفع اليدين ثابت لكن الدعاء كي سيدنا نص حديث ضعيف لأن هي plusieurs أحاديث. فالشيخ المعتمين يقول أن tu lèves les mains لا بأس et tu dis le dua que tu veux. فالأمر سهل l'amr sahl, lianna al-ulama ikhtalafu fi hadhihi al-ahadith. Haqiqa, il faut une dirasa plus approfondie pour vraiment détailler. Fa celui qui le fait, la yunkar alayhi. Wallahu ta'ala a'lam. À partir de demain, inshallah, on commence à tawaf. Et fa al-haqiqa, toutes ces masa'il qu'on voit l'an fi l'umrah, ma yata'alaq bil hajj, ça sera beaucoup plus rapide. Lianna fi l'hajj, on va revoir l'ihram, on ne détaillera pas tout. On va revoir à tawaf. On l'a déjà vu, on reverra à Safa ou à Marwa qu'on va voir fil Umrah. Fait le Haqiqa, tout ce qu'on fait pour Al Umrah, ça nous servira pour le Hajj. Fait Inch'Allah, ça sera beaucoup plus rapide. Hayyakum Allah. Man indahu shay yatfaddal ou naqif huna. Awafikum barakallah. Hayyakum Allah.